toujours en Corée du Sud, selon Yonhap News, les fanas de guerre américains et sud-coréens ont livré à Pocheon de la province du Gyeonggi les exercices militaires d'envergure sans précédent pour la détection et la destruction des installations stratégiques du Nord. L'unité formée des troupes d'agression américaines en Corée du Sud, de la division américaine sud-coréenne et des troupes sud-coréennes a livré les exercices d'opérations spéciales principalement pour la détection et la destruction des installations stratégiques, y compris les bases des armes nucléaires et des fusées du Nord. Les autorités sud-coréennes qui participent chaque année à ces exercices ont mobilisé cette fois-ci un grand nombre d'effectifs sans précédent. Les agents secrets se sont exercés à s'infiltrer à l'installation fixée comme objectif à l'aide de l'avion. Les bellicistes américains et sud-coréens envisagent de répéter ces exercices dans le cadre des exercices Aigle en mobilisant les forces terrestres, navales et aériennes.